Changer de lit, changer de rue. Hop, hop, changer souvent, c'est amusant. Chez grand-papa, c'est pas pareil. Quand on se réveille, on est curieux. Oui. Coucou, coucou, hop, hop, hop. On ouvre les yeux. Oh! Chez grand-papa, je mets mon nez. Dans le garde-manger, je vois du miel. Miam, miam, miam, miam, hop, hop, hop. Du bon caramel. Mmh. Hop, hop, changer de lit, changer de rue. Hop, hop, changer souvent, c'est amusant. Chez grand-papa, c'est pas mon lit. Il est plus petit, mais changer de rue. Hop, hop, changer souvent, c'est amusant.